Charles Cros, pluriel féminin. Je suis encombré des amours perdus, je suis effaré des amours offertes. Vous voici pointé, jeune feuille verte. Il faut vous payer, noces qui sont dues. La neige descend, plumes assidues. Hiver en retard, tu me déconcertes. Froideur des amis, tu m'étonnes, certes. Et mes routes sont désertes, ardues. Amour neuve, et vous, amour passé, vous vous en mêlez trop dans mes pensées et en des discordances éoliennes. Printemps, viens donc vite, et de tes poussées d'un balai d'églantines insensées, chasse de mon cœur les amours anciennes.